Les participants à la réunion élargie de la troisième session de la 23e législature du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Songyeon, ont adressé le 27 juin une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé. Avec la fierté d'avoir promu le maréchal Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée, nous avons discuté des tâches et décidé les mesures pour surmonter les difficultés et créer innovation et essor dans le mouvement patriotique grâce à l'unité monolithique au sein de Songyeon et à la primauté des compatriotes coréens. Nous approfondirons définitivement le travail pour établir le système idéologique et de direction du Che au sein de l'Association générale des Coréens restant au Japon, organiserons toutes les activités suivant les recommandations des grands leaders, matérialiserons à fond l'idée et la direction du maréchal dans le mouvement des Coréens au Japon et défendrons le prestige du maréchal. Nous garderons toujours dans nos cœurs l'instruction du maréchal qui a conseillé de considérer l'unité monolithique comme la base essentielle du mouvement des Coréens au Japon. Toutes les organisations et tous les cadres s'uniront fermement autour de la direction centrale. Et nous opérerons une nouvelle apogée du mouvement des Coréens au Japon avec l'unité monolithique et l'amour pour les compatriotes. Nous souhaitons santé au maréchal Kim Jong-un.